Le crépuscule embrasse la forêt, le bayou s'endort. Raïderski, écoute le chant ancien. Sur Twitch, les drops tombent sans fin. Les étoiles naissent dans le ciel lourd. Chaque note est un pacte. La terre encore chaude, les âmes chantent sous la voûte. Près de ce qu'il avance, silhouette calme. Dans la nuit, il porte la flamme. Les drops résonnent, battent la mesure. Sur Twitch, la foi trouve sa nature. Le combat dure, la force s'écrit. Chaque son forge un nouvel abri. Les voix s'élèvent pleines de ferveur. Elles apaisent les cœurs en douleur. Le gospel embrasse le silence. Dans chaque prière, la délivrance. Raïderski marche, gardien des flammes. Sur Twitch, il rallume les âmes. Chaque drop est une promesse. Dans cette nuit, une caresse. Des voix déterminées, Raïderski fend l'air prêt à guider. Chaque drop éclaire la nuit dense. Dans cette lutte, il fait la différence. Sur Twitch, la foule s'embrase. Chaque note est une extase. Le feu sacré illumine l'espoir. Dans cette nuit, il est notre phare. On reconstruit. Cette nuit, un nouveau repère. Le bayou chante sa mélodie. Dans le silence, la nuit s'enfuit. Raïderski conduit la lumière vers un futur sans frontières. les pas résonnent dans la vallée. Sur Twitch, la nuit est sacrée. Chaque drop est un cri d'espoir. Dans ce combat, un nouveau départ. Les voix s'entrelèvent. Passe le jour pointe, Ride a Skill chante la foi le joint. La force est en chaque voix. Dans cette nuit, il est la loi. La bataille fait rage dans la ville. Ride a Skill avance habile. Chaque drop est un cri de victoire. Sur Twitch, la foule est en gloire. Les voix s'élèvent fortes et claires. La musique brise les barrières. Le son unit, la force grandit. Dans cette nuit, l'espoir survit.